2 millions. 2 millions, c'est le nombre d'emplois directs ou indirects du secteur du tourisme en France. Alors nous, au Crédit Agricole, on se mobilise et on propose pour vous, professionnels du tourisme, le prêt garanti par l'État saison basé sur vos 3 meilleurs mois de 2019. Parce que notre rôle, c'est de vous aider à continuer votre activité. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Conditions du prêt fixé par la réglementation en vigueur, sous réserve d'études et d'acceptation par votre caisse régionale prêteur. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire s'intéresse à la guerre de sécession. Aujourd'hui, la guerre de sécession dont les traumatismes sont toujours présents aux États-Unis. Les États-Unis au moment de l'élection présidentielle et au moment où un homme noir tué par la police, c'était lundi après-midi, provoque une flambée de violence à Philadelphie. Il y a des blessures qui sont toujours présentes aux États-Unis. C'est sans doute ce qui nous intéresse en portant notre regard sur la guerre de sécession. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. À ce moment de la partie, la tension est à son comble, c'est à nous de jouer. Nous jetons le dé 3, nous avançons de 3 cases, notre pion, en l'occurrence un camembert, 1, 2, 3, A, une case jaune sur le plateau du Trivial Poursuite, c'est de l'histoire. Voici la question, en quelle année a pris fin la guerre de sécession? En 1865, c'est ça, une part de camembert, youpi. La chronologie est un jeu, en quelle année? Était-ce avant? Était-ce après? Mais le jeu peut être enrichi avec la synchronie des événements qui ont lieu au même moment, en même temps, oui. Et là, d'un coup, ça devient étonnant. Ainsi, en 1865, qui se trouvait aux États-Unis pour observer la fin de la guerre de sécession, l'abolition de l'esclavage? Il y a plein de gens, bien sûr, mais certains nous surprennent. Il y a Georges Clemenceau. Oui, Georges Clemenceau, qu'on associe souvent à sa carrière politique, à la Première Guerre mondiale. Il y a également Lucky Luke, effectivement. C'est ça, le jeu de l'histoire, le jeu de la synchronie. Il y a également Napoléon III qui observe ça depuis la France. Napoléon III qui pouvait porter un jean, qui pouvait mâcher du chewing-gum. Oui, la synchronie nous intéresse en histoire. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, l'histoire pour comprendre la mythologie politique des États-Unis, ses événements fondateurs, revus, relus, des pèlerins du Mayflower au père fondateur qui écrivent la Constitution, sont des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, la guerre de sécession. La guerre de sécession a cessé, ça c'est sûr, disaient Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? Et pour nous en parler, nous avons deux invités d'exception, Georges Clemenceau et Lucky Luke. Alors, Georges Clemenceau, à travers vous, Patrick Vaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes professeur invité à la Yellow School et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Georges Clemenceau, Lettres d'Amérique » que vous présentez avec Thomas Massé. Cet ouvrage publié chez Passé Composé nous étonne car, je le disais il y a quelques secondes, Georges Clemenceau n'est pas associé à cette guerre de sécession. Il arrive aux États-Unis juste après, il arrive en septembre 1865 aux États-Unis. Quel est faire Clemenceau aux États-Unis? Clemenceau part parce qu'il a une peine de cœur et parce qu'il est aussi un opposant un peu pourchassé par le régime napoléonien et il veut aller voir la démocratie en action. Il veut aller une république en action. Il est un républicain contre l'Empire, il est un démocrate et il veut aller voir ce qu'il se passe là-bas dans ces États-Unis dont la démocratie a survécu même pendant la guerre. Il y a les élections présidentielles en 1864, quelques mois avant l'élection d'ailleurs, les républicains se disent « est-ce qu'il faut qu'on garde Lincoln ? Il n'est pas très... Il ne marche pas très bien dans la guerre. » Donc vous voyez, la démocratie a continué de marcher pendant la guerre, comme elle va continuer de marcher d'ailleurs en France pendant la Première Guerre mondiale. Et donc il va observer la démocratie. Il va apprendre tellement de choses, et sur le plan des principes, et sur le plan de la bataille politique démocratique, que ces choses-là, il va les garder en lui, et toute sa vie politique française, ça va les... ça va l'influencer pendant les 50 ans de sa vie politique. Georges Clemenceau, jeune homme en 1865, il a 24 ans, devient journaliste. Il observe la vie politique des États-Unis et plus globalement la société des États-Unis avec des séries d'articles qu'il envoie en France et qui sont publiés aujourd'hui dans ses Lettres d'Amérique. Ce personnage de Clemenceau qui observe les États-Unis en 1865, alors qu'en France c'est Napoléon III, c'est une période que nous n'associons pas particulièrement, nous emmène vers un autre personnage. Lui, il n'est pas français, il est belge, mais il se trouve également aux États-Unis dans cette période-là. C'est Lucky Luke, et pour nous en parler aujourd'hui avec nous, Jules, bonjour. Bonjour. Jules, dessinateur, scénariste de bande dessinée, agrégé d'histoire, je le rappelle toujours, et puis surtout l'auteur d'une œuvre, je le dis, Jules Silex, and the City, La planète des sages, 50 nuances de grec, et les Lucky Luke. Ce Lucky Luke, un cow-boy dans le coton, est un album, alors j'utilise un mot lourd, historique, au sens où, dans l'histoire de Lucky Luke, dans l'histoire de ses publications, de ce personnage, cet album est un moment particulier. Expliquez-nous, Jules, pourquoi. Tout d'abord, Lucky Luke a très peu exploré les États du Sud des États-Unis. Et là, pour la première fois dans cet album, on le fait s'enfoncer réellement. Il y avait un album qui s'appelait « En remontant le Mississippi », qui était vraiment axé sur le fleuve, où voilà, c'est une course de bateau. Mais là, pour la première fois, il s'enfonce en Louisiane, dans le bayou, dans le monde des grandes plantations. Et donc, déjà, il y a un changement géographique. Et ensuite, pour la première fois, alors que la série Lucky Luke a souvent confronté le cow-boy solitaire à des communautés composantes de la grande mosaïque américaine, les Chinois, les Irlandais, les Italiens, les Russes même, il y avait un très très grand absent qui était la communauté noire. Les Noirs n'existaient pas en près de 80 albums, 75 ans d'existence, dans le monde de Lucky Luke. Et c'était singulier, d'autant que la période de temps dans laquelle se déploient les aventures de Lucky Luke, en gros, c'est 1860-1890. Donc c'est 30 années avec des événements historiques auxquels il est fait abondamment référer, hein, d'album en album. Mais ni la guerre de sécession, ni juste la question raciale et la présence de la communauté noire n'apparaissent dans le radar de Lucky Luke pendant toutes ces longues années. Alors il était temps de à la fois réparer cette espèce d'oubli, ce manque qu'on peut expliquer de mille façons, et puis justement d'amener cette histoire extrêmement complexe et ultra éclairante, comme probablement le thème de cette émission le révèle, pour comprendre aussi aujourd'hui notre monde, parce que finalement notre modernité, et a fortiori la modernité des États-Unis, prend racine vraiment dans cette période charnière. Oui, période exceptionnelle, un cow-boy dans le coton, c'est Lucky Luke dans les États du Sud, et vous avez raison de le rappeler, Jules, Lucky Luke a été confronté ou a rencontré plein de communautés, il y a les Indiens notamment, mais à côté des Indiens, il y avait toute cette population noire du Sud qui était absente, et vous avez évoqué ce mot de contexte, et il est essentiel pour comprendre ce contexte, Patrick Veil. Il faut rappeler, hein, la guerre de sécession qui commence en 1861 est une déchirure dans l'histoire des États-Unis. Le pays se coupe en deux, il y a tout un questionnement. J'insiste sur cette séparation, cette réflexion sur le rattachement à un État fédéral, une union des confédérés, parce que aujourd'hui ces questions-là sont toujours un peu prégnantes, même si elles ne sont pas aussi clairement verbalisées dans la culture politique des États-Unis. Bon, ça, c'est-à-dire que quand on regarde la suite de la guerre, enfin l'après-guerre, si vous voulez, les sudistes qui ont perdu se reconstituent une mémoire positive en se disant nous n'avons pas combattu pour maintenir l'esclavage, nous avons combattu pour garder nos droits d'État à être ce que nous sommes par rapport à l'État fédéral. Et c'est exactement ce type d'idéologie qui est aujourd'hui à la base du succès du trumpisme. C'est-à-dire contre l'avortement, contre les lois votées par les États ou la Californie ou New York, enfin voilà, où les démocrates dominent. Nous, on veut garder notre pouvoir d'État fédéré et on a l'avantage de l'Electoral College pour cela. Et c'est exactement vous voyez, reconstruit avec d'autres thèmes, le même type de bataille qui se déroule aujourd'hui aux États-Unis. J'ajoute que Clemenceau suit une élection présidentielle qui, pour la première fois, Et la première fois depuis 1868 qu'un président impeach se présente au suffrage, ben c'est aujourd'hui, avec Trump. Ça n'était jamais arrivé depuis 1868. Clémenceau, quand on suit ce qu'il écrit dans les 100 articles, en fait, on a l'impression presque de suivre la campagne d'aujourd'hui. Effectivement, hein, Patrick Weiss, c'est passionnant cette lecture des articles envoyés par Georges Clémenceau en France. Lettres d'Amérique, hein, c'est ainsi que ces articles sont publiés aujourd'hui. Ces lettres d'Amérique, effectivement, font écho à ce que nous vivons parce qu'il est question d'élections présidentielles. Je vous propose la lecture d'une de ces lettres par Marion Dupont, qui travaille pour le cours de l'histoire. Marion Dupont lit la lettre du 23 septembre 1868 à propos d'une élection présidentielle. Le carnaval américain revient tous les 4 ans et dure environ 2 mois. Le prétexte de ce dévergondage général des esprits est l'élection présidentielle. Ce n'est pas que chacun ne prenne la chose au sérieux. On y attache au contraire un si grand intérêt que la fête se termine bien rarement sans émeute et sans des batailles. Mais le jeu consiste précisément à donner une forme grotesque à un acte sérieux et réfléchi. Il faut avouer d'ailleurs que l'occasion est tentante. Le pays, divisé en 2 camps, les pensées communes tournées vers 2 hommes qui personnifient chaque parti, les passions s'allument. Liberté absolue de parler et d'écrire, de se moquer, d'insulter, de médire, d'exciter à la haine et au mépris de qui et de quoi que ce soit. Et non pas une liberté platonique, mais une liberté réelle et vivante, dont chacun use à ses risques et périls et dans la mesure qui convient. Tout concourt à rendre l'intérêt plus puissant dans ce grand drame où chacun veut s'attribuer un rôle. Une lettre du 23 septembre 1868 de Georges Clémenceau qui s'intéresse à l'élection présidentielle qu'il compare à un carnaval. C'est drôlement intéressant par rapport aux images que nous voyons aujourd'hui sur une élection présidentielle avec un écho certain entre l'analyse que peut faire Georges Clémenceau et ce que nous pouvons lire des États-Unis. Patrick Weil, il y a dans la lecture de la société américaine, deux penseurs majeurs, Tocqueville que nous citons sans arrêt, la démocratie en Amérique, ce regard, mais qui est sur un premier 19e siècle, et puis celui de Clémenceau. Clémenceau qui écrit à partir de 1865, il a saisi dans son analyse ce que pouvait être la complexité de la vie politique aux États-Unis au-delà du texte que représente la Constitution. En fait, il a cherché à saisir comment ce pays pouvait fonctionner alors qu'il sortait, au moment où il écrit, d'une des plus grandes guerres de l'histoire, en tout cas la plus grande sur le sol américain, cette guerre civile, et comment le pays arrive à se maintenir. Alors d'abord sur la guerre. Vous savez, le penseur stratégique de la Commune, Louis Rossel, avait étudié la guerre de sécession. Il avait vu que c'était la première guerre moderne, c'est-à-dire qu'elle mobilisait tous les moyens industriels, techniques et humains d'un pays, qu'elle ne se terminait pas après une seule bataille. Et après Sedan, c'est lui qui va pousser Gambetta à continuer. Il va prendre la tête de la défense de la Commune. Il va être exécuté par Thiers. Mais il a écrit avant de mourir l'abrégé de la guerre où il parle de la guerre de sécession. Et ensuite, vous évoquez Tocqueville. En fait, Tocqueville, il arrive après 20 ans d'affrontements nationaux qui ont suivi l'adoption de la Constitution, et il pense que ce qu'il voit, c'est-à-dire la période d'apaisement, ce qui est le caractère profond de l'Amérique. Et Clémenceau montre que ça n'est pas cela. Et d'ailleurs, le grand professeur Ackerman, qui a fait la préface des lettres, il a titré sa préface « Clémenceau contre Tocqueville ». C'est une autre lecture passionnante de l'Amérique, c'est-à-dire un pays où il y a un affrontement, une division nationale. Et lui, Clémenceau, il a très bien vu que la division nationale, bien sûr, portait sur l'égalité devant la loi pour les Noirs. Et il dit d'ailleurs, une question qui n'est pas résolue sur le principe de la justice reste vivante génération après génération, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, il a vu que l'Amérique, c'était aussi un pays de grands affrontements, de grandes divisions, à l'inverse de Tocqueville, qui voyait une démocratie apaisée, fonctionnant sur le local et l'associatif. Tocqueville, Georges Clémenceau, et puis parmi les grands penseurs qui regardent l'Amérique, il y a Lucky Luke. Jules, Lucky Luke est un regard porté sur les États-Unis. Alors un regard particulier, un regard belge à l'origine, en vérité un regard européen de manière plus globale. Lucky Luke a sans cesse été confronté dans son histoire à des divisions aux États-Unis. Lui défend la veuve, l'orphelin, la justice. Comment expliquez-vous que Lucky Luke n'ait jamais été dans ses albums dans les États du Sud? Comment Maurice, donc le créateur, ne s'est jamais penché sur la question des Noirs? Il y a une explication franco-belge, hein, il y a une explication globale. Je pense que l'explication franco-belge élémentaire, c'était que Lucky Luke, c'était une publication qui tombait sous le coup de la loi pour les publications pour la jeunesse, qui était extrêmement censurée, qui était publiée dans les journaux de jeunesse à l'époque. Donc autant de lieux, on pouvait pas évoquer de questions politiques. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une invisibilité des Noirs dans la culture populaire, dans la culture en général, dans les productions cinématographiques, autant que dans les médias ou la politique. En fin de compte, jusque des années très très récentes, aux États-Unis et évidemment en Europe, on réussissait à traverser un paysage culturel complet sans que jamais des Noirs n'apparaissent, quand bien même c'était des sociétés dans lesquelles des gens qui avaient voilà, la peau noire jouait un grand rôle et prenait une grande place. Donc, on peut pas vraiment jeter la pierre rétrospectivement à Maurice et Goscinny d'avoir passé cette question-là sous silence, parce que c'était le lot commun absolument de tout le monde, y compris très récemment. C'est vrai que... Oui, oui, j'allais vous dire, Jules, très récemment, et pour moi-même, en lisant ce Cowboy dans le coton, j'ai été surpris de cette invisibilité des personnages, des acteurs noirs de l'histoire des États-Unis, notamment avec... un personnage, mais quelqu'un qui a existé, que vraiment vous mettez aux côtés de Lucky Luke, un marshal noir, un shérif noir. Dans ma représentation de cet univers du Far West, je ne vois pas de shérif noir. Et pourtant, vous expliquez bien qu'il y en a. Oui, en fait, ces personnages emblématiques de l'histoire américaine ont été blanchis ou ont été effacés par l'histoire américaine. Parce qu'en fin de compte, Lucky Luke, c'est une parodie du western hollywoodien. Donc c'est déjà un récit à propos du récit que les États-Unis se font d'eux-mêmes. Et ce récit que les États-Unis se font d'eux-mêmes à travers les productions hollywoodiennes, c'est évidemment un récit blanc. Et donc, il y a deux choses, qui est que d'abord, le fait historique qu'on a étudié maintenant depuis assez peu de temps, c'est que 25% des cow-boys étaient noirs, presque tous les autres étaient hispaniques. Le cow-boy blond aux yeux bleus à la John Wayne était une exception, en fait, dans le paysage du Far West. C'était un métier de prolétaire, payer $1 par jour avec les conditions les pires. Dès qu'on pouvait faire un autre métier, on faisait autre chose, finalement. Et ensuite, sur ces figures de la loi noire, le marshal adjoint Bass Reeves, effectivement, a été une figure mythique qui était bien connue à son époque, mais qui a été un petit peu oubliée, qui a été transposée par le cinéma sous la forme du Lone Ranger, qui était, lui, cette fois, un personnage bien blanc. Et donc, c'est que maintenant qu'on se réapproprie la réalité de cette histoire. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que tout est question de récit. Et c'est ce que disait Patrick Veil aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que le Sud, qui avait perdu la guerre sur le champ de bataille, l'a réussi au bout de quelques décennies sur le champ idéologique, parce qu'il s'est raconté une histoire. Il a su, en fait, à ses propres yeux et aux yeux du reste de la nation américaine, construire un mythe d'un Sud qui ne s'était pas battu pour l'esclavage, mais qui s'était battu pour maintenir une civilisation, entre guillemets, qui avait un certain nombre de caractéristiques à la fois chevaleresques, romantiques, et les auteurs de fiction, bien avant Lucky Luke, ont fabriqué cette chose-là, de Margaret Mitchell à ensuite des cinéastes comme Griffith, qui ont été vraiment, et c'est intéressant de voir ça à la lumière des élections américaines aujourd'hui, je dirais, la fiction avait quasiment autant droit de cité que le réel. Et ça, c'est quelque chose qui probablement existe depuis Sumer, hein. C'est-à-dire que la façon qu'a l'histoire de raconter les événements crée l'événement lui-même. Mais là, ça a atteint un sommet, une perfection, une technicité qu'on n'a encore jamais vue probablement dans l'histoire. Et puis ces moments qui sont fondateurs, tels l'abolition de l'esclavage en 1865, des personnages qui sont des références, tels Abraham Lincoln, sont le sujet de récits historiques, de récits repris après par des artistes. C'est le cas de Steven Spielberg qui fait un film sur Lincoln en 2012. Et dans ce film, c'est toute cette année 1865 qui est évoquée quand Lincoln combat pour le 13e amendement. Cet amendement voté par le Congrès le 6 décembre 1865 qui abolit l'esclavage. Le Congrès ne doit jamais déclarer égaux ce que Dieu a créé inégaux. Le 1er février prochain, j'ai l'intention de signer le 13e amendement. C'est soit l'amendement, soit la paix avec les confédérés. On ne peut pas avoir les deux. L'esclavage, monsieur, c'est fini. Personne n'est aimé autant que toi par son peuple. Ne gâche pas son pouvoir. Pensez à tous les fils qui vont mourir si vous ne faites pas la paix. Je ne peux mettre fin à cette guerre tant que nous ne serons pas guéris de l'esclavage. Cet amendement est cette guérison. On a besoin de deux oui. Je suis le président. Les États-Unis dotés d'immenses pouvoirs. Vous allez me procurer ces votes. Aujourd'hui, nous allons voter. Vous insultez Dieu! Le film Lincoln de Steven Spielberg en 2012. Lincoln assassiné en avril 1865. Georges Clemenceau lui arrive en septembre. À peu de choses près, ils auraient pu se rencontrer. Patrick Veil, Georges Clemenceau, Lettres d'Amérique. Il y reste 4 ans aux États-Unis, Georges Clemenceau. Quel regard porte-t-il sur ce monde qu'il découvre et qui, vu par un Français, doit être absolument fascinant? Ce pays qui sort d'une guerre civile, d'une violence extrême, avec des combats qui touchent à la définition même de ce qu'est l'humanité, l'abolition de l'esclavage. Il a un regard étonné, lointain, qui permet d'ailleurs sans doute de comprendre un peu mieux ce qui se passe aux États-Unis dans ces années 1860. Alors, en fait, d'abord, il circule surtout entre New York, où il habite, et Washington, où il va suivre les travaux du Congrès, mais il fait aussi quelques longues incursions dans le Sud, et là, c'est l'horreur qu'il voit, c'est-à-dire l'esclave libéré, souvent amoché, blessé par l'esclavage, par la guerre. Il rapporte les incidents, où, évidemment, entre noirs et blancs, où c'est toujours les noirs, la presse rapporte des incidents, où c'est toujours à la fin les noirs qui meurent. Il en tire quelque chose, c'est un anticolonialisme absolu qu'il gardera toute sa vie. Depuis le fameux discours contre Jules Ferry de 1885, jusqu'à la négociation du traité de Versailles, où il proposera à Wilson et à Lloyd George de déclarer la fin des empires pour amener la paix dans le monde. Bon. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose qu'il va en tirer, c'est qu'il faut, il découvre un père spirituel, Thaddeus Stevens, qui est le membre de la Chambre des représentants, qui va mourir d'ailleurs dans l'année qui suit, qui a combattu depuis des années contre l'esclavage et qui l'admire. Il le consacre trois articles à Stevens. Il dit « On l'a beaucoup accusé d'étroitesse d'esprit. La vérité est qu'il s'était mis des œillères pour mieux voir et il les garda toute sa vie. Et ces œillères, c'était pour l'abolition de l'esclavage. » Et il admire son art oratoire, son art de gagner les batailles parlementaires par l'art oratoire, par la précision de son verbe. Et toute sa vie, il gardera les leçons qu'il a apprises de Stevens. Donc, et puis la troisième chose, c'est qu'il se forge, enfin, il se forge des principes. D'abord, la liberté d'expression absolue, qui est garantie par le premier amendement à la Constitution. Et puis, donc, l'égalité devant la loi, le droit à l'instruction, toutes ces valeurs-là, vous voyez, il passe, à l'époque, il est à l'extrême gauche, il va passer à droite, mais il gardera toujours ces valeurs qui deviendront les valeurs de la République française. Oui, valeurs de la République française, essentielles dans la formation intellectuelle de Clemenceau. Ce passage aux États-Unis, 1861, éclate cette guerre entre les États du Nord et les États du Sud. 4 ans d'une guerre extrêmement violente. c'est le Nord qui gagne. En 1865, l'esclavage est aboli. Mais Clémenceau, dans les années qui suivent, de 65 à 69, observe cette vie politique des États-Unis. Et Pierre Veil, il constate comment un pays demeure à la fois déchiré et tente de se réconcilier. C'est une vraie réflexion qu'il tire sur ce qu'est la démocratie. Au même moment, il est français, en France, Napoléon III est au pouvoir, il est contesté. Il y a un écho sans cesse qui est obligatoirement fait par Clémenceau, qui écrit pour un lectorat français. Absolument. Et alors, ce qu'il décrit aussi, c'est un Parlement libre qui combat le successeur de Lincoln, Johnson, qui lui est un allié des sudistes. Donc c'est le Parlement qui s'impose à l'exécutif. Et toute sa vie, Clémenceau sera un partisan d'un Parlement fort, d'un Parlement où l'on se combat, où l'on débat. Et ce qu'il montre il est aussi un observateur incroyablement fin des dynamiques politiques et électorales. Il y a, comme aujourd'hui, des élections d'État tous les ans, tous les 6 mois. Il dit, attention, les démocrates vont gagner là, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner la présidentielle. C'est un des premiers, je trouve, traités français d'analyse électorale, de sciences politiques qu'on découvre à travers ces articles-là. Et je crois aussi que il en ressort avec un attachement irréductible à la liberté de la presse, à la liberté de parler. Vous savez, il votera contre le délit d'offense au président de la République, qui n'a été aboli que sous François Hollande, qui avait écrit en 1884. Il est pour la liberté absolue de parler et de s'exprimer. Voilà, donc aussi écho à notre actualité. Merci Pierre Veil de le rappeler, parce que cette réflexion politique de ces années 1860 et puis qui suivent en 70, c'est le moment de la mise en place de la République en France qui a besoin de s'ancrer. Et cette réflexion passe aussi à travers ce personnage belge mais devenu français, Lucky Luke. Lucky Luke qui, dans un cow-boy dans le coton, visite les États du Sud, qui passent même par les marais de Louisiane. Ce sont surtout les Dalton qui s'embourbent dans les marais. Ben, je vous propose d'écouter Creedence Clearwater. C'est un groupe qui chante Born on the Bayou. Faisons un petit tour dans le bayou et dans le cours de l'histoire. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Modu. The Bayou de Creedence Clearwater dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Éric Lancien avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, le cours de l'histoire qui s'intéresse à la guerre de sécession et de ce qu'il en reste aujourd'hui dans la culture politique des États-Unis. à travers Georges Clemenceau, oui Clemenceau, journaliste aux États-Unis dans les années 1860, et Lucky Luke. Lucky Luke qui est un personnage qui a connu cette période. Jules, vous publiez Un cow-boy dans le coton, c'est le dernier album de Lucky Luke, Lucky Luke qui visite les États du Sud. La guerre de sécession n'est pas évoquée dans les albums de Lucky Luke, c'est souvent quelque chose laissé de côté. Elle est là, elle transpire un petit peu, mais elle n'est pas évoquée, tout comme, vous nous l'avez expliqué, les Noirs n'ont pas été un sujet de prédilection dans les albums précédents. Pourquoi la guerre de sécession, elle aussi, est évacuée de cette mythologie de Lucky Luke ? Ça, c'est peut-être encore plus étrange. Peut-être parce que c'est complexe à traiter et qu'on était là vraiment dans un monde du Far West qui flottait un petit peu comme, coupé de la réalité du Nord et du Sud. Et c'est vrai qu'en fait, on a tendance à voir les États-Unis de manière un petit peu binaire entre ce Nord et ce Sud qui auraient des idéologies et des partis extrêmement différents, en tout cas à cette époque. Mais il y a une ambiguïté de l'Ouest américain à ce moment-là. Il y a des statuts, des terres qui sont encore floues et fluctuantes. Il y a tout un univers dont Lucky Luke est issu, qui est par exemple le Texas, mais qui font partie des États confédérés du Sud. En fait, on a tendance à l'oublier. On voit tout de suite la Louisiane, le Mississippi, mais le Texas en faisait partie aussi. Donc, en gros, on ne sait pas exactement quel est le statut de ce monde, de cette civilisation du Far West. C'est à la fois un endroit où les esclaves en fuite, les esclaves fraîchement affranchis, pour partie essaie de se recréer un nouvel avenir, quoi, et il quitte. Il y a tout un mouvement en fait de migration des États du Sud vers l'Ouest, qui est plus ou moins d'ailleurs organisé par des grandes figures noires du Sud qui établissent des bureaux à Saint-Louis pour les ventiler ces populations justement sur des terres un peu plus vierges. Tout ça est très ambigu et c'est marrant de mettre en scène aussi Lucky Luke qui tout d'un coup découvre cette complexité, parce que dans Un cow-boy dans le coton, bien sûr, il arrive dans ce monde des plantations qui essaie de faire perdurer l'ordre esclavagiste, même après le 13e amendement qui affranchissait tous les esclaves. C'est en fait, le Sud, c'est 10 millions d'habitants, dont 4 millions d'esclaves fraîchement affranchis. Et évidemment, dans les autres, les habitants blancs, les planteurs sont une petite minorité extrêmement opulente, même si l'économie a été dévastée par la guerre. Mais il y a aussi beaucoup de petits blancs dont on parle très peu, des fermiers blancs, on les appelle les yeomen, qui ont des petites exploitations, et puis aussi une population de Cajuns qu'on a évoqué légèrement tout à l'heure, qui sont ces francophones du Bayou louisianais, issus de la grande migration des Acadiens dans cette région. Et cette multiplicité là, elle est intéressante à prendre en compte, en fait, par-delà, je dirais, juste le mythe très manichéen que les États-Unis ont cherché à construire d'eux-mêmes. Oui, parce que vous l'avez bien rappelé, Jules, Lucky Luke est un récit qui s'appuie sur un autre récit, celui des westerns, qui lui-même repose sur d'autres récits qui relisent l'histoire des États-Unis avec la complexité du moment de la création de chaque album. Écoutez ce que disait René Goscinny, scénariste de Maurice pour une quarantaine d'albums de Lucky Luke. René Goscinny était interviewé par le journaliste René Hénoncou sur la RTBF, c'était le 6 avril 1966. Dans un western exemplaire comme Lucky Luke, il y a beaucoup de revolvers et peu de morts. Est-ce que cette absence de violence est délibérée dans vos scénarios ? Oh oui, elle est délibérée et forcée pour une raison, c'est pas tout ça. Bien sûr, je réprouve la violence parce que je suis extrêmement lâche de nature, mais en réalité, c'est les commissions de surveillance de la presse des jeunes qui nous obligent à faire très attention. Et c'est pour ça que dans Lucky Luke, on tire beaucoup de coups de revolver, mais il n'y a jamais de blessés, il n'y a même pas de blessés par balle. Et j'aime autant vous dire que quand vous avez une tribu d'Indiens armée de carabines qui attaque un régiment de cavalerie, et qu'il n'y a pas un seul blessé, faut le faire. Voilà, faut le faire, René Goscinny en 1966. Jules, Lucky Luke, nous savons, est tributaire du moment de la création de chaque album. Nous pouvons citer cette cigarette qui a été vraiment quelque chose pour Lucky Luke de symbolique et qui a été remplacée par une brindille. Dans un album que vous consacrez à Lucky Luke dans les États du Sud, Un cow-boy dans le coton, quels sont les mesures de protection à prendre en réflexion? Vous avez même un alligator que vous évoquez, il va se transformer en sac à main pour ma femme. Ça ne plaît plus tout ça. Mais il y a tout un jeu comme ça à faire avec une réflexion autour de même de la représentation du personnage noir. Si nous évoquons la bande dessinée, et nous avons cette référence horrible de Tintin au Congo, mais Tintin au Congo issu d'un contexte, vous vous attachez ici à parler de cette population noire avec, j'imagine, une énorme réflexion avant de mettre en place le scénario. Oui, on pourrait en parler des heures. Il y a deux choses importantes. C'est que quand on met en scène un Lucky Luke avec cette thématique-là, il y a une espèce de défi à relever qui est de faire coïncider la fidélité à l'esprit de la série, le fait qu'effectivement on voit pas de violence directe, on voit pas de sang, on voit pas de mort, que c'est une série d'humour qui doit garder une forme de gaieté c'est une série de suspense et d'action. Ça, il faut le garder. Et en même temps, quand on aborde un sujet comme ça, c'est-à-dire, en gros, un crime contre l'humanité, qui est quand même l'esclavage et cette civilisation-là, on ne peut pas minorer, on ne peut pas édulcorer les lynchages, les pendaisons, la torture subie par les populations noires dans ces États. Et il faut trouver un moyen de le représenter. Donc il faut ruser, être très indirect et en même temps regarder les choses en face. C'est l'éternel problème des représentations, justement. On voit bien, par exemple, un Benigni, lorsqu'il a réalisé son film « La vie est belle » sur la Shoah, et que ça devait être une comédie, les difficultés dans lesquelles il a dû se dépêtrer. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que être à la fois très juste, ne pas mentir, et quand même, voilà, rester fidèle à un Lucky Luke. Et en ce qui concerne les représentations graphiques des Noirs, c'est vrai qu'on est tributaire de toute une tradition de caricatures racistes, stéréotypées, même pleines de bonnes intentions ou juste tout à fait inconscientes, jusqu'à en fait très très récemment, les quelques Noirs qu'on voyait dans Lucky Luke, dessiné dans la tradition de Maurice, c'était effectivement des gens qui se ressemblaient tous, qui avaient des grosses lèvres rouges. C'est la raison pour laquelle l'album En remontant le Mississippi n'a jamais été diffusé aux États-Unis, parce que c'était impensable, dans un contexte américain, de véhiculer ces caricatures-là. Mais avec cette espèce de, je dirais, de candeur européenne, jusqu'à récemment, ça ne nous posait pas vraiment de problème. Mais aujourd'hui, on est suffisamment mature, on a suffisamment réfléchi sur ces questions pour se rendre compte que même en gardant notre tradition européenne de caricature, on pouvait faire quelque chose d'un petit peu plus subtil et moins tributaire de cette tradition plus ou moins consciemment raciste. Et c'est la raison pour laquelle chacun des personnages noirs dans le Lucky Luke ne sont pas dessinés de manière réaliste, parce que ce serait une espèce de racisme en miroir de dire qu'il y a un traitement particulier d'une certaine communauté, alors que tout le monde a des grandes oreilles, des grands nez et des gueules complètement déformées. Mais là, il fallait que chaque personnage ait une physionomie particulière qui correspondait à son tempérament, à son histoire, à son rôle dans le scénario. C'est pour la raison pour laquelle on s'est appuyé sur un fond photographique extraordinaire, un petit peu ancien, d'esclaves ou d'anciens esclaves, et qui ont servi quasiment comme casting, je dirais, pour chacun des personnages d'un cowboy dans le coton. Oui, avec toujours ce jeu chez les albums de Lucky Luke, mais globalement dans tout ce que vous faites, Jules, avec des clins d'œil contemporains, et notamment ces deux petits-enfants, donc anciennement esclaves, une petite fille qui veut être journaliste et un petit gars qui veut être président des États-Unis, et on lui répond Oprah et Barack, mais vous avez beaucoup d'imagination tous les deux. Il y a ce jeu sans cesse, cet aller-retour entre notre actualité et le passé, et la contextualisation est essentielle, nous le savons en histoire, et par exemple pour les lettres d'Amérique, ces lettres de Georges Clemenceau, Patrick Veil, ces lettres donc sont des articles écrits à la fin des années 1860 par Clemenceau. Elles ont elles-mêmes une histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles sont publiées chez Passé Composé. Elles avaient été oubliées chez nous, en France, elles ne l'étaient pas aux États-Unis. C'est vrai, c'est une énigme. C'est-à-dire que les historiens américains de cette seconde révolution, et c'est Clemenceau qui, à ma connaissance, le premier, emploie ce terme qui va être repris aujourd'hui par les historiens les plus respectés de cette période de l'après-guerre civile. Et les Américains les ont trouvés tellement remarquables qu'ils en ont sélectionné 75, les ont traduites et les ont publiées en 1928. Les Français les ont laissées, je dirais, un peu croupir à la Bibliothèque nationale, dans les archives du journal Le Temps, qui était un journal libéral sous Napoléon, jusqu'à ce que, avec Thomas Massé, aujourd'hui, 150 ans après, nous les mettions à la disposition pour la première fois des lecteurs français. Alors, c'est vrai qu'il y a une question. Pourquoi tous les spécialistes de Clémenceau, des historiens extrêmement respectés qui se sont succédés pour faire ses biographies, pour étudier la période dans laquelle il avait été très actif dans la vie politique française, n'ont pas jugé utile de publier ou n'ont pas trouvé d'éditeur pour publier ses lettres, alors qu'elles inscrivent Clémenceau dans une relation avec l'Amérique, dans une relation transatlantique extrêmement forte, qui d'ailleurs se voit à partir de 1917 et jusqu'à sa mort, c'est ce que je raconte en m'appuyant sur des lettres inédites de Clémenceau que j'ai trouvées dans les archives américaines, sur les amitiés et l'activité qu'il a eue jusqu'au dernier jour de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, pour essayer d'installer l'Alliance Atlantique dans comme structurante, si vous voulez, non seulement l'activité internationale de la France, mais plus que cela, en créant une sorte d'espace démocratique de débat transatlantique. Vous voyez qu'il existe aujourd'hui, d'ailleurs, par exemple, le Green New Deal. On en discute aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Mais je voudrais juste faire une remarque, si vous me permettez. Depuis la sortie du livre, le 26 août, toute la presse de droite, je ne veux pas citer les noms de journaux, a fait un compte-rendu de l'ouvrage. Et je dirais, la presse installée de gauche, sauf des sites créés par des jeunes, je pense au Vent se lève, au Grand Continent, qui ont fait deux comptes rendus ou deux interviews de moi-même, la presse de gauche du Monde à Mediapart a totalement ignoré un Clémenceau de gauche, un Clémenceau presque d'extrême gauche, anticolonialiste, a été ignoré. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je me demande, alors que Clémenceau est aujourd'hui une personnalité politique de notre histoire qui pourrait unifier tous les Français dans leur diversité, dans leur histoire complexe, parce que justement, il a été contre l'esclavage et contre la colonisation, et on n'en a pas beaucoup des hommes, des dirigeants de ces statures dans notre histoire. Patrick Veil, vous évoquez cette notion de pacifier notre histoire à partir de personnages. Et effectivement, l'histoire est là pour comprendre le passé, afin de saisir notre présent, et aussi d'expliquer et d'aider à vivre tous ensemble notre histoire commune qui croise, en fait, à travers ces lettres d'Amérique de Clémenceau, une histoire des États-Unis, une histoire française dans la même réflexion politique. Jules, c'est la même démarche, cette réflexion autour du vivre ensemble. Globalement, alors Georges Clémenceau n'apparaît pas dans l'album parce que Un cow-boy dans le coton, ça se passe en 1870, donc 5 ans après la fin de la guerre de sécession, mais qui est toujours présente, et Clémenceau est déjà reparti. Mais il y a cette histoire commune qui transpire à travers l'album. Moi, j'ai été encore une fois saisi par toutes ces petites allusions. On croise Tom Sawyer, Huckleberry Finn, et ben on se dit, mais oui, effectivement, je les connais. En fait, c'est un jeu pour tisser cette histoire commune avec des petites allusions et des clins d'œil. Oui, c'est très frappant d'entendre l'ambition de Patrick Veil, justement, de donner à voir et de donner accès à notre, en tant que public français, histoire, quelque chose qui puisse nous unir et forger une mémoire commune. C'est exactement la même ambition qu'on a quand on s'empare d'un sujet comme ça, d'un grand sujet pour un héros aussi important que Lucky Luke, d'autant que Lucky Luke a cette chance extraordinaire et cette responsabilité d'être lu par toutes les générations, les enfants, les parents, les grands-parents, d'être lu dans tous les milieux, d'être lu par toutes les classes sociales et toutes les communautés. Il n'y a plus grand-chose dans la culture qui est capable de cet exploit-là aujourd'hui. Tout est extrêmement segmenté, un petit peu à la carte. D'avoir un tel sujet, ça permet d'évoquer ce qui est extrêmement important aussi pour l'Europe, c'est-à-dire la mémoire de l'esclavage, ces thématiques justement de ségrégation raciale, d'inégalité, d'injustice, avec quelque chose qui, finalement, réconcilie tout le monde. Parce qu'il y a cette gaieté, ce swing de l'humour qui permet de transmettre des connaissances historiques C'est ça le paradoxe. Un cowboy dans le coton, c'est finalement un album extrêmement sourcé. C'est-à-dire que chaque élément chronologique, chaque élément économique, chaque élément politique qui est évoqué en arrière-plan des aventures de suspense avec plein de rebondissements sont des choses qui sont quasiment incontestables. C'est un travail qui a été fait avec énormément d'historiens, spécialistes de l'histoire américaine, spécialistes de l'histoire politique des Noirs. Et tout ça, ça permet d'échanger, sachant que d'ailleurs, les programmes scolaires aujourd'hui au collège, partout en France, ont inscrit la transmission de cette mémoire-là et de cette histoire-là dans leur texte. Donc on a besoin de matériaux, et je pense que des lettres de Clémenceau, ou je dirais ce regard franco-belge d'un cow-boy comme ça de pacotille sur une véritable histoire américaine qui nous concerne, c'est un peu comme pour les lettres persanes, le parfait décentrement pour regarder les problèmes en face. Et justement, en ces temps d'élections américaines, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. Et Jules, vous avez raison de rappeler hein, la mémoire de l'esclavage, abolie officiellement en 1865 aux États-Unis, la ségrégation, et là, cela nous conduit un siècle plus tard dans les années 1860, le Ku Klux Klan, que nous n'avons pas évoqué, qui est présent dans l'album Un cow-boy dans le coton, parce que il fait partie de notre mémoire collective. Tout cela est à décrypter, et ces lettres d'Amérique de Georges Clémenceau sont aussi partie prenante de ce grand jeu de la compréhension de cet héritage qui est lourd, qui n'est pas directement le nôtre, mais le regard européen porté sur ce qui se passait aux États-Unis, c'est ce qui est dans ces lettres de Clémenceau. Patrick Veil, lecture nécessaire pour comprendre aujourd'hui et les États-Unis, et peut-être notre regard sur les États-Unis. Oui, alors je suis entièrement d'accord avec ce que Jules vient de dire. J'ai lu un incroyable passion c'est la première fois que je lisais Lucky Luke depuis peut-être 20 ans, et franchement je l'ai dévoré, et je trouve que c'est d'une finesse et c'est absolument remarquable. Et c'est vrai que pour des classes d'élèves, ça permet de refaire de l'histoire avec un en s'amusant et en même temps avec des personnages absolument remarquablement dessinés et construits. Donc je suis absolument d'accord, ce décentrement avec Clémenceau et avec Lucky Luke, ça permet d'aborder les questions les plus délicates et pourtant les plus essentielles. Parce que c'est vrai que, alors Clémenceau, il part en 1869, il a beaucoup d'espoir. Il pense que l'égalité, la justice sont des forces qui ont déjà triomphé. Malgré les hésitations de Lincoln, il a dû rejoindre les radicaux républicains. Et le Congrès va imposer à Johnson le 14e amendement, puis le 15e amendement. Donc, il pense que ça y est, c'est gagné. Il ne voit pas la suite, évidemment. Il la voit ensuite comme dirigeant français. Et il se souviendra. Vous vous rendez compte qu'il accueille, quasiment 50 ans plus tard, le premier président du Sud, Wilson, qui a subi, lui, le traumatisme de la guerre de sécession comme enfant du Sud, qui est un admirateur absolu de Robert Lee, du général Lee, qui refuse de se faire enterrer à Arlington parce que il considère que c'était cette propriété qui était celle de Lee a été de façon injuste expropriée par le gouvernement fédéral. Donc vous voyez que on retrouve des choses absolument incroyables en allant lire aussi bien Lucky Luke que Clémenceau. Exactement. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que cette histoire américaine nous a de ce moment-là nous a extraordinairement influencé à travers le poids qu'a Clémenceau dans la vie politique française pour bâtir les valeurs de la Troisième République qui sont aujourd'hui les valeurs de notre République. Vous avez raison. Ça, on découvre à travers les lettres. Oui, c'est essentiel de souligner hein, ces valeurs que nous transmettons sans cesse dans cette République, des valeurs pour certaines nées à la fin du 19e siècle dans un dialogue, j'ai envie de dire, entre Européens mais également entre Américains qui transparaît dans ces lettres d'Amérique de Georges Clémenceau que vous présentez, Patrick Veil, avec Thomas Massé. C'est publié chez Passé Composé. Et puis, c'est ce regard de d'un cow-boy belge sur l'Amérique, un cow-boy dans le coton. Merci beaucoup Jules, merci beaucoup Patrick Veil d'avoir éclairé cette période de l'après-guerre de sécession. Et il est l'heure maintenant dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Ce matin dans le journal de l'histoire, un anniversaire gâché. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. L'actualité montre souvent une fâcheuse tendance à suivre le calendrier des commémorations. Mais parfois le présent résiste. Cette année, on commémore 1940, la défaite militaire française face aux forces militaires du nazisme. Un anniversaire difficile à imposer, pas facile de lever l'enthousiasme général pour se souvenir d'une telle déculottée. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Juin 1940, ça n'est pas seulement une défaite, c'est aussi un seuil bientôt franchi vers la collaboration. Avec une envie furieuse de se dire « et si ?» dans un jeu des possibles pour explorer les pistes par lesquelles ces pages de l'histoire auraient pu nous être épargnées. Mais l'exercice ne peut être que théorique. La défaite est là, avec ses légendes, ses railleries, mais heureusement aussi avec l'histoire, des bibliothèques entières sont consacrées au sujet pour répondre à la multitude de questions que l'évocation de cet épisode de notre histoire suscite invariablement depuis qu'il s'est produit. Que s'est-il passé en juin 40, alors que les Alliés avaient gagné en 1918, alors que l'Allemagne avait été mise à genoux par le traité de Versailles, son armée interdite et ses finances asséchées pour réparer ses appétits coupables de 1914 ? La photo défaitisme, à la dégénérescence du patriotisme français, au délitement des mœurs qui sera mise en avant par Vichy dans une stratégie de culpabilisation d'une société bientôt reprise en main selon les lois liberticides de la Révolution nationale. Nos soldats étaient-ils mauvais ? Le bolchevisme, la déchristianisation et les congés payés avaient-ils eu raison de la vitalité de la jeunesse ? Et si la France ne s'était finalement battue qu'en se pinçant le nez, avec peu de chances de faire preuve d'efficacité. 1940 est un réservoir de fantasmes de l'imaginaire du délitement national qui dépasse largement l'événement dont il est question ici. Mais cette année 1940 est aujourd'hui réévaluée, un peu de nuance dans la compréhension d'un moment historique que l'on répugnait à regarder de trop près. Il en ressort que les reconstructions postérieures de la débâcle ont largement été instrumentalisées par le régime de Vichy dans un premier temps, et ensuite dans une toute autre perspective par les gouvernements d'après-guerre pour enterrer la Troisième République. Patrick Veil s'est livré pour le quotidien Le Monde à une revue des publications sur la question, parmi lesquels l'historien américain Philip North décrit une France combattante qui ne démérite pas sur le front de la Somme face au combat héroïque des Britanniques sur les plages de Dunkerque, malgré un état-major peu enclin à l'innovation et malgré, surtout, ces mois d'attente destructeurs de la drôle de guerre qui séparent sa déclaration, le 1er septembre 1939, des premières batailles livrées en mai 1940. 8 mois qui ont sévèrement miné le moral des troupes. Toutefois, insiste Philip North, les Allemands n'ont gagné que grâce à une attaque surprise extrêmement risquée et ont été eux-mêmes étonnés de cette percée qualifiée de miracle. Une analyse qui puise ses arguments dans une histoire bataille souvent dévaluée qui semble revenir en grâce à cette occasion, appuyée par une histoire sociale toujours éclairante. Et une occasion supplémentaire de constater que l'histoire n'est jamais définitivement écrite. Jamais. Merci Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire préparé par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrin, et Maïwenn Guizhou. À écouter ou à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous continuons l'exploration des mythes fondateurs des États-Unis en nous rendant dans le Far West, si loin, si proche.